Ces deux demoiselles par Albert Accremant. Ces deux demoiselles Vinard habitaient un appartement au troisième étage à 50 mètres de l'Étoile. Leur existence était aussi régulière que monotone. Chaque matin, elles entendaient la messe dans une petite chapelle de l'avenue Hoche. L'après-midi, quand le temps était beau, elles parcouraient l'avenue du Bois, en déplorant son envahissement par les bonnes d'enfants ou descendaient les Champs-Élysées, en regrettant leur envahissement par le haut commerce. Malgré que leur esprit fût exempt de soucis et que la fortune leur permît toutes les fantaisies, elles n'étaient pas heureuses. Elles n'avaient plus que des parents très éloignés, des petits cousins, dont elles attendaient vainement les souhaits au premier jour de l'an. Bref, elles s'ennuyaient. Elles n'avaient pourtant rien de commun avec ces vieilles filles qui mettent des globes avec une chenille rouge sur leurs pendules dorées, des housses de toile blanche sur leurs fauteuils d'aubusson, et des dentelles noires sur leurs cheveux rares. Elles avaient jadis suivi des cours en Sorbonne. Elles avaient apprécié les conférences de la Baudinière et pour rien au monde n'auraient négligé de renouveler chaque année leur abonnement à la revue des Deux Mondes. Malheureusement, elles s'apercevaient que peu à peu la vie se rétrécissait autour d'elles. Elles vivaient dans la compagnie d'une vieille bonne quand un jour elles s'aperçurent qu'un jeune ménage venait de s'installer de l'autre côté de la rue dans un appartement que l'on distinguait parfaitement de chez elle. Cela leur produisit une sensation bizarre. Les deux jeunes gens se penchaient à une fenêtre. « Oh, ils sont gentils, » dirent-elles en même temps. « Ils ont l'air de bien s'aimer. » Dès cet instant, sans les connaître, elles les adoptèrent. Il n'est pas un détail de leur installation qu'elles ne surveillèrent. Non pas par indiscrétion, on les aurait fort surprises si on leur avait dit qu'elles ne devaient point ainsi espionner des voisins. Ces jeunes époux étaient si sympathiques qu'inconsciemment et spontanément, elles les considéraient comme leurs enfants. Ah, combien elles eussent aimé pouvoir leur donner des conseils! Pourquoi, dans leur salon, plaçaient-ils la bibliothèque à droite? Elle serait infiniment mieux à gauche. Des ouvriers vinrent qui posèrent des rideaux. Les malheureux! Ils ne savent donc pas le prix de la main-d'œuvre à Paris. Ce travail, ils devraient bien le faire eux-mêmes, rien n'est plus facile. Pourvu qu'ils aient fixé le prix d'avance. La bonne, qui était allée aux provisions, leur rapporta quelques renseignements. Il paraît qu'ils sont mariés depuis 3 mois. Ils rentrent tout juste de voyage de noces. Sur leur malle, il y avait des étiquettes avec des noms italiens. Il paraît que le monsieur écrit dans les journaux et que la jeune dame est très jolie. Leurs parents habitent la province. Leur loyer est de 2 500 francs. On ne sait pas si les charges sont comprises. Le jeune ménage, qui ne se doutait de rien, ne songeait nullement à cacher son bonheur. Il n'y avait pas de folie qu'il ne fît toutes fenêtres ouvertes. Aussi, du matin au soir, chez ces demoiselles Vinard, n'entendait-on plus que des cris d'appel. Quand ce n'était pas une des sœurs qui les lançait, c'était la bonne. « Oh, regardez vite, elle a mis aujourd'hui un kimono bleu pâle, et lui, un pyjama rouge. Tiens, ils ont maintenant un petit chien. Leur concierge doit être bien en colère. » Ces demoiselles Vinard ne s'ennuyaient plus. Elles ne se plaignaient plus des Champs-Élysées, ni de l'avenue du Bois, pour cette bonne raison qu'elles demeuraient maintenant toute la journée dans leur appartement. Dans un tiroir, elles avaient retrouvé de vieilles jumelles de théâtre en ivoire jauni. Elles se les réclamaient impatiemment dès qu'une ombre paraissait bouger derrière une des vitres de leurs amis. Ceux-ci reçurent des parents. Les deux sœurs firent la connaissance des uns et des autres de loin. Elles prirent part à chacune des réceptions. Pour un peu, lorsqu'elles voyaient des préparatifs, elles eussent dit « Ce soir, nous allons dans le monde. » Elles connaissaient par cœur toutes les toilettes de la jeune femme et les jugeaient. « Oh non, j'aimais mieux son tailleur bleu que cette robe mauve. Pourquoi ne le met-elle plus, ce tailleur? S'il est déjà usé, il ne lui a guère fait d'usage. » Lorsqu'il apparut que ce jeune ménage aurait bientôt un enfant, il leur sembla tout de suite indispensable de concourir à la confection de la layette. « Nous enverrons à la maman quelques objets. Anonymement, bien entendu. Songe au plaisir que nous aurons de voir le bébé avec une bavette que nous aurons brodée. » À ce moment, elles songèrent bien à faire la connaissance de ces jeunes gens. Mais toute réflexion faite, elles préférèrent ne rien modifier à leur situation. Quelle désillusion s'ils ne correspondaient pas à l'idée qu'elles en avaient. Hélas, elles ne finirent point la broderie commencée. Une mauvaise fièvre les saisit le même jour. C'était leur rêve de mourir sans être séparées l'une de l'autre. Elles s'éteignirent à quelques heures d'intervalle, le visage tourné vers l'appartement d'en face. Or, lorsqu'on ouvrit leur testament, on lut qu'elle léguait toute leur fortune aux deux jeunes gens à qui elle devait le sourire de leur vieillesse. Elle terminait en disant « Puisqu'ils s'aimaient toujours, ils sont si gentils. » C'était « Ces deux demoiselles » par Albert Ackermann.